Autant on emporte le The Event, chapitre 6. Manigance de haute voltige. Le joueur du grenier regardait les deux tourtereaux avec surprise. Il sortit doucement de la pièce et ferma la porte, sans jamais quitter Moment du regard. Celui-ci remarqua un début d'érection dans le bermuda du célèbre youtubeur à chaussettes sandales. C'était bizarre, non? De quoi tu parles? Du joueur du grenier? Ou du fait qu'on se soit embrassé? Rougissant. Un peu des deux. Rire gêné. Moment s'apprêta à se jeter sur son nouvel amant, ancien joueur de l'équipe de France d'Overwatch et maire de Levallois-Perret dans le 92 Hauts-de-Seine, quand ce dernier le repoussa. Non, je ne peux pas. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai un bout de salade entre les dents? Rire magistral. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moment commença à prendre peur. Qu'allait-il lui dire, lui qui avait enfin eu accès au bonheur après toutes ces années à se toucher la quique dans un appartement trop petit? Notre amour n'est pas possible. Moment manqua de s'évanouir. Il n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était pas croyable. Il ne pouvait y croire. Mais pourquoi? Tu as vu ces agents de police à l'entrée de mon jet privé? Moment se souvenait avoir aperçu 78 voitures de police avant de rentrer dans l'avion, mais il n'y avait pas plus prêté attention que ça. Et donc? Tu sais, en tant que Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret et roi des roublards, j'ai quelques casseroles au cul. Des casseroles au cul? Patrick Balkany a été impliqué dans plusieurs affaires politico-judiciaires au cours des années 2000 et 2005. Affaire des HLM des Hauts-de-Seine, mise en examen pour complicité de trafic d'influence, puis relax. 2013. Usage personnel d'employés municipaux. 2013. Affaire Balkany de blanchiment de fraude fiscale, mise en examen. 2014. Affaire Big Malion. 2014. Affaire Balkany de blanchiment de fraude fiscale, nouvelle mise en examen. 2015. Corruption d'agents publics étrangers, mise en examen. 2015. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet deux dossiers au parquet national financier. 2015. Fraude fiscale, mise en examen. 2016. Déclaration mensongère de patrimoine, mise en examen, et remise en cause de la gestion de la ville de Levallois-Perret dans un rapport de la Chambre régionale des comptes. 2016. Affaire Panama Papers, blanchiment de corruption et de fraude fiscale aggravée, nouvelle mise en examen. 2016. Soupçon d'abus de faiblesse, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Nanterre au sujet d'un mariage célébré en 2014 par le maire de Levallois-Perret qui aurait pu aider à libérer une opération immobilière au bénéfice d'un proche de Patrick Balkany. Ah, je vois. Eh oui, on ne m'appelle pas le roi des roublards pour rien. Mais, du coup, tu vas aller en prison? Bah oui, connard. Oh, oh non.